ramener haut et fort nos sales gueules de métèque. Shut the fuck up. Ramener haut et fort nos sales gueules de métèque. Shut the fuck up. Ramener haut et fort nos sales gueules de métèque. Shut the fuck up. Je suis le putain de faux contact, l'imposteur du mouvement. La bombe aérosol qui fait le crapaud croustillonnant. J'offre les contours d'un pochoir avec la précision d'un tir de mortier. Au pan noir, les façades très colorées pour moi. Ils ont par vocation et par provocation. Que ceux qui m'aiment aussi ou se trompent. Vous inversez le cours de l'histoire à coups de fusil à pompe. Règlement de compte récurrent à la racine du propos. Entre deux bouffées de cigares comme un mafioso. Mon style d'écriture, écriture, la crainte d'un passé obscur en permanence. Et mon faux souffle sur les presses, qu'on pas jouer aux assurances. Laisse-moi faire valoir cette fois, clair mort du fatras. Au programme buffet froid, en zone rouge de mon droit, tu trouveras sous des éclats de rouge trop à l'étroit. Un franc tireur embusqué, des sacs de mots gerbés pour une poésie bannie qui n'a Afrique à être haï. C'est l'accent sale des fous pour une ville grise. Et mes deux putains de doigts dans la prise. Ouais. Et mes deux putains de doigts dans la prise. Je suis la figure de paria. T'as basané la barre tracée, les vrais qui tracent ma voix. Les cheveux frisés dans ta soupe de mer. Celui qui te force à cracher dans la gamelle. Sous le ciel, rien de pris apparaît. La colère légitime qui frit les ruelles. Rebelle sous l'étendard de pierre. Je bouge au pluriel, les attaques sévères. Un visage, un putain de présage, comme une tache dans ton paysage. Chaque page est piégée d'avance, pigée. S'agit d'assiéger la France avec du rentre dedans. Prendre l'argent sans prendre de gants. Sorti du cratère, toutes sortes de créatures. Dont la 10, les ancêtres ont déjà gratté la terre. N'ont pas l'humeur à la fête, comme une balle dans un 357. Ou un cutter dans un 757. Ok, ça va barber, on va barber. Yes, Liman. Des coulisses aux planches, des coulisses aux planches. Jour sombre, nuit de revanche, nuit de revanche. Sur rumeur larvée, comme des braises qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie. Des coulisses aux planches, des coulisses aux planches. Des jours sombres, nuit de revanche, nuit de revanche. Sur rumeur larvée, comme des braises qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie. Tu veux savoir vraiment à quoi je ressemble, comme un des broyeuxards. Je connais ces murs par cœur, mal qui ont broyé notre enfance. Un peu de fierté tout de même sur des figures salauds. Chasse le naturel et il revient au galop. Trop de galères cousin pour rien de glorieux. Si ce n'est que la lune des sous-sols, des quelques fendites sérieux, des quelques tribunaux vitrioles. Je ne demande pas de choisir entre la poudre et le plomb. Je suis ce feu qui se déclare dans un champ de colons. À la fenêtre le givre d'un jour d'hiver trop gris a ouvert un de mes livres au chapitre des incendies. Comme à l'accoutumée, comme un besoin trop mal sevré, j'y recherche des balles, quelques flèches létales, et un peu de pomme au cœur pour la cuirasse d'un franc tireur. La cuirasse d'un franc tireur. L'artisanal, artisanal qui choisit ses mots comme on commet un homicide, et parfume ses phrases de quelques gouttes d'acide. Ma époque encore, celle des arbres morts, à quelques pas à peine, plus belle fontaine. Et si tu n'es pas né où il fallait, il va falloir, comme dirait le vieillard, apprendre à voir clair dans le noir. Des coulisses aux planches. Les jours sombres, nuit de revanche, nuit de revanche. Rumeurs larvées comme des braises qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie. Des coulisses aux planches, nuit sur planche. Les jours sombres, nuit de revanche, nuit de revanche. Rumeurs larvées comme des braises qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie. Quand j'arpente ces couloirs, que l'angoisse me prend à la gorge, des millions de bactéries aux lèvres. Faut que ça sorte à la porte des coulisses de cette pièce bondée. Les joyeux gris gesticulent avec le sourire carnassier. Alors que leur conspiration s'ébride par des trous de serrure à la lueur d'une chandelle de sang stérile. Leur sombre réunion se dévoile une forfiture. On y trouve des lapines et tout un tas d'accessoires. Pendant que tes potes urinent dessus, quand t'es accro, quand l'insuline te suffit plus. Pendant que tu vérifies si t'as piqué la bonne veine. Mon son s'affirme avec la haine dans ses gènes. Et ça monte doucement d'un cran. Avant que tu partes les pieds devant, attends que les petites viennent grand. Et tous bougants, quand les chacals sont sortis. Arrête ton char si t'as le choix, après les ronces et les orties. Depuis qu'ils ont sauté les plantes, combien de camés manquent, prêts à te canner quand les ventes d'armes augmentent. Et qu'ils veulent que nos canards pourrissent. Y'a nos affaires qui tombent en coulisses. Les coulisses aux planches, les coulisses aux planches. Les jours sombres, nuit de revanche, nuit de revanche. Quelques rumeurs larvées comme des braises qui menacent. menace de s'enflammer après l'extinction d'un incendie. Un incendie, coulisse au plan, coulisse au plan. Les jours sombres, nuit de revanche, nuit de revanche. Je rumeur larvée comme des presses qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un incendie. Après l'extinction d'un putain d'incendie. Le morceau qui arrive, il est dédicacé à ces fils de pute de Skyrock qui rappent sur le trottoir. Ça fait plaisir et soutien à voir. C'est nique sa mère à eux. Tout le monde le doigt en l'air pour Skyrock. Nique sa mère Skyrock, sinon on les pèse. Skyrock, on vous pèse. Ça se passe comme ça à Barbet. Écoute ça mon frère. Un poète vandal, ok. Coué de ce travesti de pas. Orphelin inspiré de putain, l'expatrié du coin de pas. Ça, dans la panade des enfants. Avec les autres produits de l'Église, les radios transformées en eunuques. Ces idées qui noirent sur blanc pédale. Lâchez de chaud, ne sortez plus sur votre gilet parfait. Quand tu es une rumeur, tu meurs. Combien de mecs se défroquent pour passer sur Skyrock. C'est une bien triste époque qui commence pour nous. Désormais la parole sera des coups comme nous. Les résidents engraînent avec poésie. A chacun son fusil et même si le mal est fait, je l'écris comme au l'argent. Sur la posture que même. Quand la censure frappe de plein fouet, mon rap se frappe, presque une peur de rap. Sur ma liste encore incomplète, le sort de la tête de journaliste de la presse. P, Perse et l'utopie. Nous sommes détrônés sur le rap, fils de pute. Cette voyée non alignée qui commencera par buter. Rappeur, DJ, producteur. Regarde en ciel, ça s'entend au-dessus de leur tête de traite. Nous sommes détrônés sur le rap, fils de pute. Cette voyée non alignée qui commencera par buter. Rappeur, DJ, producteur. Regarde en ciel, ça s'entend au-dessus de leur tête de traite. Hier sous le joug de la crête, les criers, faut-il que je traite leur mère, pour que ces fumes s'affranchissent de la porte d'Anière. Ailleurs les chiottes, si tu viens chier un gros mec, laisse ton single de merde et je me torche le cul avec. Et fais courir le fruit, dans l'industrie du disque, on fera fouiller les détruits. Je suis brisé des horreurs à moi tout seul, fillette. Demande à nos censeurs, pourquoi ils flippent dans leur tête. Et toi baisse leur garde et ton falzard demande ton agent. Si tu te demandes où est placé l'argent pour lequel tu te prostitues, c'est dur, hein, tu le dis-tu. Décroche et prends cette dose comme substitut. Et puis passe-moi les offres, la bouteille et l'essence. Que je te montre comment ces enculés se balancent dans tous les sens. A l'aide de textes très crus dans son placard, bâtard. C'est la rumeur en extrait qui t'insulte exprès. La haine se lit dans les traits, annonce un sale futur. Pour le traite des points de suture. On est sur le rap, fils de pute. Cette voyée non alignée qui commencera par buter. Rappeur, DJ, producteur. Regarde dans le ciel, ça s'entend au-dessus de la tête de traite. Nous sommes les premiers sur le rap, fils de pute. Cette voyée non alignée qui commencera par buter. Rappeur, DJ, producteur. Regarde dans le ciel, ça s'entend au-dessus de la tête de traite. Au-dessus de la tête de traite. Au-dessus de la tête de traite. Au-dessus de la tête de traite. Au-dessus de la tête de traite. Au-dessus de la putain de tête de traite. Putain de tête de traite. Ça va ? Bordeaux, Barbet. Ah, ah, ils sont là. On va faire un petit retour en 97, dédicacé à tous ceux qui sont touchés par le problème de la double culture. Ça s'appelle blessé dans mon ego. Écoute ça, regarde. Devant le clou, tu plaides devant la famille. Pas de pipon, machin, pas de pantalon, cheville, c'est sûr. Le genre de truc qui consomme pas de rigolo. Tu te battes dans la gueule et un aller par rigolo. Car je suis un métex, ça oui. Je viens validaliser sur mes dinex colonies aujourd'hui sous dictature ici. Pas de temps à perdre, copain. Quand on a le pif dans la merde et l'épinerme d'un africain de vos terres. Faire ses affaires, prendre son blé. Faire péter les diplômes, c'est penser en faculté. C'est comme ça, la malpora, ça veut dire quoi? C'est clair que pour la famille, j'ai pas le temps de jouer à ça. Tes amerlocs, tu les laisses où ils sont. Leur culture pivot, leur façon de foutre leur pantalon. En clair, tes années de sévices, de sacrifices. C'est pas pour que tu grandisses et que la douce France t'applaudisse ici. D'ambition, pas en clou de piston. En plat, tu chantonnes et apparenté à des clowns. Tant de bons et loyaux services et de flots à contre-cœur. C'est pas pour que tu finisses une terreur chez les rappeurs. Voilà ce que ma famille en clair me répond quand je parle à la première personne et que j'ose trop le ton. En clair, ça ne demande pas d'explication secondé. Le genre est vraiment tout fou, mec, à l'arrivée j'y songe. Car rien ne font, j'en passe et de rapatrier. Des guides à falsifier, faut des papiers de clan d'eau. J'y pense, reste Keblo et blessé dans mon ego. J'y pense, reste Keblo et blessé dans mon ego. L'expatrié du coin du port. Et 9 coudras. À l'heure où trop de culs jouent la carte de l'assimilation. Il est là le même schéma, 9 statu quo. Perdu le cul entre le chef d'un face à mon ego. L'expatrié du coin du port. Et 9 coudras. À l'heure où trop de culs jouent la carte de l'assimilation. Il est là le même schéma, 9 statu quo. Perdu le cul entre le chef d'un face à mon ego. Archi complexe, fraîche artère au théâtre. Des bagarres marrants pour les colis pour les mamans. Arrivée température locale, 37 degrés net. Un légèrement sec, souple, le soleil frappe fort. Les vêtements tremblés, le corps mouillé à l'aéroport. Changement de décor ici, des militaires armés. Une photo du président collé aux casquettes des douaniers. En veste de quartier au regard apparemment froid. Mais tranquille avec toi quand tu leur chais la DCF après. Et t'as des crimes sous une chaleur maritime. Torpeur unanime pour un putain de régime. La famille attend, quand les grands-parents se tiennent droit. Je trace quand on me demande est-ce que les études ça va, les convivants, les piles. Quelques cousins se parlent et prêchant. Qu'est-ce que c'est ça, c'est ces manières de petits blancs. Des baskets en cuir, un jean alors qu'ils traînent le chaud négro. Atterri où tu veux pas, automo, redescends sur terre. Ou partant dans un 4 étoiles. Plein de parisiennes à poil, en train de faire de la planche à voile. Conscient que le phénomène est inverse. Là-bas, c'est pas les ressortissants français qui manifestent chez nous tout de même. Avec l'adjectif franco, un putain de terme trop qui blesse droit dans mon ego. Un putain de terme trop qui blesse droit dans mon ego. L'expatrié du coin de l'Espagne. À l'heure où trop de pute joue la carte d'assimilation. Qui ou là, le même schéma, le même statu quo. Perdu le cul entre deux chaises, le face à mon ego. L'expatrié du coin de l'Espagne. L'expatrié du coin de l'Espagne. Le cul entre deux chaises, un permis de conduire aux frontières. Ici, une carte d'identité française périmée. Mon grenier, mes types répés, c'est qu'annule sa validité, c'est certain. Après tout je m'en fous, là où je suis vexé, c'est que le contexte actuel est dans lequel j'évolue comme tu. Un statut paria ici, une intruentance dans mon bled. Une culture dissoute et corrompue de A à Z. Beaucoup sont dans mon cœur mais ne revendiquent pas trop. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. Aveugle ou parano, personne ne ment à son ego. Expatrié du coin de quoi et quoi neuf cousin. À l'heure où trop de pute joue la carte de l'assimilation. Si ou là le même schéma, le même statu quo. Perdu le cul entre deux chaises face à mon ego. Expatrié du coin de quoi. Expatrié du coin de bas, neuf cousins. Expatrié du coin de bas, neuf cousins. Expatrié du coin de bas. Expatrié du coin de bas. Expatrié du coin de bas. Expatrié du coin de bas. À l'heure où trop de putes jouent la carte de l'assimilation. De l'assimilation. Ça va barber ce soir. Ça va Bordeaux. Ok. Alors, ça fait plaisir. Écoute ça, mon frère, c'est la rumeur parisienne, qui vient distiller sa propagande jusque dans les quartiers de la ville de Bordeaux. Bordeaux. Chacune de nos putains de rimes est un colis piégé. Donc il va falloir le considérer comme une bombe. D'une écriture. sûr. L'ombre de ces murs aux mille blessures, que des couches murmurent entre deux fonds de mini-fonds, de double brillard au plafard, d'un gyrophare. Je tisserai toi noir sur des cœurs à garde, du fait de guêtre, tous les fêtres de ces poubelles qui ont la lèvre. Je ferai au four de la cour des miracles en débat, sur les arcades malades ou cris. Cris, le voix croisée de la faim et du vice, je suis l'ombre certaine. Sur le trottoir, tu vois ce que je veux dire? Tous ces PD qui ont donné leur cul à Skyrock, tu vois, et nous on est contre ça, et chez Cabardo aussi, pas vrai? Ouais. On va leur faire montrer comment ça se passe ensemble, tous unis contre le mal, contre les suckers, ok? Écoute ça, je suis dans le sénateur, j'aurais prévu le projeter de pas trop traîner le soir, en répandant sur les victimes sur mon territoire, l'agresseur est de retour. Pas la crainte de battre en retraite et de courir se cachant en vitesse. La pendule vous êtes pour la plupart. Je m'adresse à qui se sentira visé. Des visages éparses sur regard noir. Si je laisse deviner tant de stress, bien loin des strass. Si mes paroles décryptées sont condamnées à la crasse, alors les cauchemars tombent comme des pierres. Les rumeurs pèseront des carrières sans pitié. Des enculés qu'elles considèrent de l'autre côté de la barrière. Quelques années d'absence, réfléchir dans ma coin. Cogiter ce premier album dans des conditions de chien. Je n'en sors que amer, encore plus aigri. Que dans ma noble prière dans les salons de l'aristocratie. J'injecte du sens, la montre que du sang. Jette de l'encre dans les fesses sur les traces par exemple. Les précurseurs pour envoyer le bus refaire les dents. Avec ce genre d'argument qui manque l'amour et le printemps. La rumeur groupe censurée, c'est pas une surprise. Si ça peut rassurer les gros pédés qui ne râlent plus pour le showbiz. Des années qui boivent, à notre époque c'est grave. J'ai la lettre testament, leur montrant leur cadavre. Des chiquetés au rasoir, les réfractaires amérimes pour aller se ravoir. Qu'on attend les centres de grève. Avec ce bel hommage rendu à la chanson française, tout, rien de plus. Soit tu suces des putes, soit tu retiens le mérite, c'est tout. Danse avec les merdes ou avec les loups. Car chez nous les girouettes ne font pas le feu. On les décapite et on leur parle ensuite. Prendre l'ombre pour sa proie. Je suis un prédateur isolé, ne l'oubliez pas. À nous entendre dégueuler haute voix sur les mêmes. S'engraisse sur notre dos à tous ici, sans aucune sorte de problème. Prendre l'ombre pour sa proie. Vous êtes des prédateurs isolés, ne l'oubliez pas. À nous entendre dégueuler à haute voix sur les mêmes. S'engraisse sur notre dos à tous ici, sans aucune sorte de problème. Fais tourner le barrière. N'est-ce pas? Ok, je présente un titre et quelques pitres. Hallucine encore, où fourmine des décarnivores. J'en ai bouffé du macadam comme un porc. Traîné ma carcasse dans la taille du parvis de Panin, jusqu'en banlieue nord. Un désir est dans ce monde tout protégé. L'odeur du fric ne masque pas la laine fétide d'un vieux flic dépouillé prêt à me défendre. Mais j'arrive à me défendre comme un grand. Prendre ses coups de bâton, infliger à nos parents. Car dans la forêt de béton, la végétation est dense. J'ai nos captures vivants et on crève les balances, où qu'elles soient. Dans le feu ou dans les commissariats, intègre, parce que intégriste, dans l'asphalte, des gorgeurs parasites. Ce paradis sur terre que je déblatère, avec un large sourire aux lèvres, n'existe même pas en rêve, non en réponse. Aurait pu l'antidère su qui nous jette dans les ronces comme par hasard. Mets-toi ton cul, bonhomme, c'est pas mon histoire que la France traîne dans la mer, jusqu'à ce que dans les deux sens, la décadence nous perde. Moi je veux de l'argent et un micro, et être la fête noire de ces gens qui s'en ramassent trop. Entre chiens de la même race, entendez-vous bien, je rentre chez vous et je me sers, et retourne toute la baraque dès que je trouve plus rien dans le frigidaire. Alors combien de fois encore va-t-il falloir que je me répète, quand il s'agit d'être con, je suis une forte tête, puis l'instinct de survie qui me pousse à réagir comme une bête. Assoiffé de ce son-là, servant à la reproduction d'une espèce rare en voie d'extinction. Prendre l'ombre pour sa proie. Je suis un prédateur isolé, ne l'oublions pas. À nous entendre dégueuler haute voix sur les mêmes qui s'engraissent sur notre dos à tous, sans aucune sorte de problème. Celle-là, elle était dans le cul de Skyrock aussi, pas vrai? Il faut, qu'on les empêche de dormir tranquille, mon frère. Vous savez quoi? On va vous faire une petite confidence, tu vois? Nous, on fait partie de la résistance, et vous aussi, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, tu vois? Donc, tant que ce genre de médias existeront, on fera quoi? Eh ben, vous savez ce qu'on fera, nous, ensemble? Eh ben, on frappera. Avec nos fronts en fièvre, avec nos fronts en grève, et un vacarme d'armes à paillonner les chiens de garde du palais, avec une étincelle frêle, au coin des lèvres, sur une mare noire de kérosène, avec des pages pleines, du sang séché de nos veines, avec un incendie au cœur, et la mémoire de la sueur, avec nos talons fiers, plein de poussière, et la musique qui éclaire du revolver quand elle rythme la fuite des vitres. Et je prends l'institution, avec des torches rallumées au lendemain des massacres, et puis les vapeurs macres qui exhalent nos plans d'attaque. Avec un goût prononcé pour la poésie du fond des mines, et un faible avéré pour la nitroglycérine, avec les plans du bâtiment, plus les chiffres clés des codes d'accès, avec l'audace, avec les dents, avec finesse, avec les dents, avec le sang laine du ciel, un, mais avec toi, lui et elle, avec toi, lui et elle, okay. Avec ça, on frappera, on frappera, on frappera, on frappera, on frappera, on frappera. Rassure pour le pain de sang par terre. Comme j'ai bien appris, mais ils sont guerre. Sur ta patrie, on frappera. Les soldats en batterie, stratégiquement sur la SNCF. Quand dans mes rangs, la haine s'élève, pour effacer le sourire sur ses lèvres. On frappera, et on frappera de prisonniers. Que les volontaires viennent se désigner. Y'aura plus de secours, plus de lignes de téléphone. Sur les postes de police, postes et télécoms. On frappera partout sur la capitale, sur toutes ces fonctions vitales. Et on frappera dans le détail, et on dansera sur les ruines de ces belles vitrines. Et à notre passage, tu pourras compter les victimes. Barricades, barrages, partout sur Paris, partout sur la ville, que de la barbarie. Reçu 5 sur 5, on tient le siège d'ici au palais de justice. Et pour ces briseurs de rêve, y'aura pas d'armistice. Dans ces zones sinistrées, appel de militaires pour aider les kiss. On frappera, on frappera, on frappera, on frappera, on frappera, on frappera, on frappera, on frappera. Toujours la main sur le cœur pour palper la cible. Dans la poche intérieure de mon bombardier, on frappera même au sol pour un regard et une parole. La sorte s'entoure sans discuter une plombe. Pour ce genre de nerfs qui font paraître plus intègre, se désintègre. C'est le cas de le dire pour embrasser le cul de la patronne. Puis rien de m'étonne comme des merdes de chiens et pour des miettes de pain. On frappera, on fera la misère pour combler soi-disant notre absence de repère. Pour que l'on tienne à des vies dans la ancienne, en pleine période de vache mec, pour qu'on lâche du bleu, pour qu'on nous laisse les pieds. Sous la menace d'en plusieurs colis suspects, la douce France couche pour de l'oseille. Et partout en Afrique, je serai pour rien coucher en oreille. On frappera, on portera les serrures, les portes blindées et cadenassées de la préfecture. Qu'on prend pas les uns de l'arbre aux galères de Paplas, sans pour les plus beaux des mariages blancs. Pour pourra laisser au hasard, mais tout en bazar, on se laisse tout dans l'écran. On frappera, on frappera, on frappera, on frappera, on frappera, on frappera. On frappera, je connais des cauchemars au plus sombre d'un soir. Quand ils rentrent sous le voile froid de tes draps de soie, sans préavis, et que la nuit leur a souri. Y'a des griffes noires qui se marrent au bord de ton plumard. Elles aiguisent leurs dents grises sur ta nuque, la chair blanche perruque, et l'odeur de la loi qui colle tes robes de magistrat. Une lourde porte grince et s'ouvre, à travers vos voiles des souffres, des visages. la dalle. Le tribunal trop banal, surprenant de mes jurés. Tu peux la voir en ta mémoire, pour ces voleurs de poules et de vol. Fendre en larmes sous la lame de tes jugements prononcés. Mais aujourd'hui, c'est jour de fête. Et à ton tour de comparer. Tu cries pardon, tu cries à l'aide. Mais rien n'y fait. Ah. Sur la commande des colliers, la crie, on te décide. On te décide. Le petit guillotine. Je connais tes cauchemars. Je connais tes cauchemars. Le plus sombre d'un soir. Le plus sombre d'un soir. À l'envers de l'histoire. À l'envers de l'histoire. Je connais tes cauchemars. Je connais tes cauchemars. Je connais tes cauchemars. Je connais tes cauchemars. Le plus sombre d'un soir. Le plus sombre d'un soir. À l'envers de l'histoire. À l'envers de l'histoire. Je connais tes cauchemars. Je connais tes cauchemars. Je connais tes cauchemars. Je connais tes cauchemars. Je connais tes cauchemars. Ce soir la nuit est sombre et tout le monde s'est décidé pour te travailler la couette pendant des plombs et des plombs. C'est quand tu sombres dans les bras morflés que tu prépares à morfler. Car les poids dans ton genre, tu vas savoir ce qu'on leur fait. Tu connais ce cauchemar qui revient chaque nuit. Et quand il prend par effraction dans ton sommeil, je suis toujours avec lui. Et tu cours encore, comme si le lever du soleil t'allait échapper à la mort. En attendant, tu traînes ton surplus de graisse avec grandeur. Depuis le 28 mars 2003, on est officiellement poursuivi par le ministère de l'Intérieur pour diffamation publique envers la police nationale, parce qu'on a osé dire que la police, depuis une trentaine d'années, a buté plus de 200 de nos frères dans nos quartiers. Ça, on n'a pas le droit de le dire, c'est de la diffamation. Le procès a été fixé début 2004, et je pense que d'ici là, on aura largement le temps de communiquer. Comme on l'a toujours dit, et comme on le dira toujours, ces quartiers dangereux, soi-disant, sont d'abord et avant tout des quartiers en danger. N'est-ce pas ? Moral. Je dis pas ça pareil. Je suis ici, le Trébat. Je suis comme ça dans le Paris. Je doute. Dans les années 80, combien de pieds travers tour s'avance à la carrière et en cours, j'ai dû raquer. En traquer les poches de mon survêt challenger vert foncé pour un concert, une galère avant la début du jour. Au passage, autant de voyages chantiques comme sur mes premiers rap. Un avis gratuit sur ces contrôleurs qui investissent ce dernier wagon à la gare de Trappe. Ma ville, c'est un peu comme Tchernobyl, même les chats dehors se font chier à mort. Aujourd'hui, visiblement, rien ne change, si ce n'est que l'envie qui augmente comme le prix de la carte orange. Le cafard m'empoigne et en parle au passé, ce serait de cracher à la figure et de considérer soigné, cousin. Heureux d'être parisien, même si ça craint sans que ça crame. Petit qu'un frère se fasse tuer pour ses demandes d'un moment de solidarité. Je n'ai pas grandi au milieu du gravat, bien au contraire, mais dans une charmante petite banlieue plutôt prisée pour ses grands espaces verts. Mais ça c'était hier, au cœur des entassements de pierre, l'hiver, toujours sans partenaire. J'étais le trousseau de clé autour du cou, les restrictions de ma grande sœur avant le couvre-feu de 22h. Si j'ai fait le deuil de mon enfance, au seuil du temps d'adolescence, avec une feuille et des idées noires comme exutoire. Non pas que j'ai du mal à y croire, bordel, que cette putain de ville nouvelle, c'est plus immortel. A chacun ses raisons d'enterrer une grande illusion trop vite, derrière ces plans ravalement de construction hypocrite. L'hypothétique changement d'air ne fixe ma propre limite. S'extirper du pêche-feutre et des habitudes qu'après n'importe quelle étude, rageront des plans de mer un peu. la maille avant de trouver du travail. Le ciel commence à se couvrir, à l'instar d'une marée furieuse. Et que les subventions se retirent, la route devient marécageuse. Et la répression, aussi cruelle que la récession. L'actuelle maire de Bordeaux n'est qu'une sale pédale qui ne peut se déplacer sans sa police municipale. Sur ses plages de gravier, à la lisière de ses ex-quartiers vivants et populaires. À 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, la route, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, mon frère, on a vite à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer, mon frère, loin des vérités toutes faites sur des terres trop gros, des graines de fleurs jetées sur des hectares de pipeaux, de super massifs de chiens dans mise en valeur, un visage sombre du mégalopole miniature, l'erreur, nécropole pour des crimes indécents, mais aussi pour des espoirs et des joies de fer blanc, le pire n'existe que si le meilleur recule, des antagonismes qui se confondent, des articules loin des polars noirs, des comptoirs qui tapissent les rêves, une ville paisible qui suit un peu miel, un portrait hanté, une caricature dans les gazettes du quartier, bien qu'ils disent avec un sourire large et loin, trop loin de toutes mes fausses attentes. Les terrains en friche ont bien changé, ont-ils adouci les pentes? De quoi cacher des regrets simples, de petits malheurs comme autant que le travail sur un simple. Sur un de la chaleur des terres arides au froid d'une cité, et nos voisins qui pris à travers les volets, loin des emprunts de mes plages, de ma terre, de ma ville blanche, loin, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux mon frère. Encore plus de tels bords, encore plus fort pour encore plus de tels bords, encore plus fort pour encore plus de tels bords, encore plus fort pour encore plus de tels bords, encore plus fort pour encore plus de tels bords, encore plus fort pour encore plus de tels bords, encore plus fort pour encore plus de tels bords, encore plus fort, encore plus de tels bords. Ils sont là, Marvel. Sont là. Yes. Écoute ça. C'est le dortoir du grand qui te parle franchement. Franchement. On ne ferme pas les grandes gueules avec des pansements. Répression à l'excès pour les plus récalcitrants. Soit on crève l'abcès. Soit on crève l'écran. Ceux dont les artères ont été du bâtiment très tôt. Te font le topo sur une planche et deux tréteaux. Primo, si ça pue le gaz, ça sera pas de la lacrymo. Banlieue égale ceinture de feu. C'est dangereux sans trop d'efforts, c'est bestial. Prédestiné au pire et d'une humeur détestable. Dans ce climat instable, qui est-ce qui l'instaure? Quand la violence transite jusqu'à ton transistor, mec, prends ça comme un rouleau compresseur. Quand l'oppresseur t'augmente la vente de ses antidépresseurs, qui capte pas la pilule de leur discours stérile qui n'engrosse que les cellules. Et plus l'infection purule, pareil qu'ici c'est le zoo, c'est le cirque. Voilà l'info qui circule, celle qui se répercute en catastrophe. Quand pour eux nos gosses naissent tous armés d'une kalachnikov. Me parle pas de justice et des barreaux qu'elle t'offre à moi. Mon arc-en-ciel est noir et blanc comme la poudreuse plein l'écran. Et on finit par ressembler à ce pour qui tu nous prends. Mec, dans le dortoir des grands, c'est le dortoir des grands qui te parle franchement. Franchement, on ne ferme pas les grandes gueules avec des pansements. Répression à l'excès pour les plus récalcitrants. Soit on crève l'abcès, soit on crève l'écran. C'est le dortoir des grands qui te parle franchement. Franchement, on ne ferme pas les grandes gueules avec des pansements. Répression à l'excès pour les plus récalcitrants. Soit on crève l'abcès, soit on crève l'écran. À mesure que le temps passe, laissant autant de traces que de stress ou de mouille épaisse sur les carcasses. Et paf cramé sur l'autel des cannibales, gravé comme un rituel injurieux et sale. Image extrême sans commune mesure, sans qu'aucune blessure aurait leur marche sur les moisissures. Le même décorum dépeint, les mêmes hommes craints. L'humiliation par les gardes et les chiens, des rapports écrits sur ces vices cruels. Leur service recèle une clientèle prise au réveil. La même image transmise qui règle l'équation selon laquelle l'équilibre mental des pauvres bat de l'aile. Tant pis s'il muré est trop étroit, s'il faut y marcher si on y coupe des bras. Et qu'au pas de ça, les tessons de fer servent de fleurs acérées pour colorer l'herbe, n'empêchant aucunement l'arrivée des légions. Au cœur, signé un plan pour délit d'opinion. Les grands titres dangereux, assurément. Ouais. Violent à toute 20h dans le dortoir des grands. C'est le dortoir des grands qui te parle franchement. Franchement, on ferme pas les grandes gueules avec des pansements. Répression à l'excès pour les plus récalcitrants. Sans crève l'abcès. Sans crève l'écran. C'est le dortoir des grands qui te parle franchement. Franchement, on ferme pas les grandes gueules avec des pansements. Répression à l'excès pour les plus récalcitrants. Sans crève l'abcès. Sans crève l'écran. Sans crève l'abcès. Sans crève l'écran. Soit on crève l'abcès, soit on crève l'écran, soit on crève l'abcès, soit on crève l'écran, soit on crève l'abcès. Dans le dortoir des grands, dans le dortoir des grands, mec. C'est ça, à tous les quartiers de Bordeaux, à tous les gars qui sont déplacés ce soir. Ouais, le soir B, spécial dédicace à vous. Le Havre aussi. Un barbet. Écoute ça, mon frère. C'est la rumeur qui s'est déplacée spécialement pour vous. Et Barbet qui s'est déplacé spécialement pour nous. Ouais. On va jouer, mon frère. L'inhumaine fonction fut poursuivie pendant des siècles, sans répit, sans pitié, sans remords. La traite a drainé l'Afrique de 100 à 200 millions d'Africains. Ok. J'ai 365 cicatrices. Et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était décrit comme ces stupides règles et ces cons comme ces nègres cupides qui ont vendu les leurs. Dans les pleurs et les cris, étouffés par les 13 pieds, comme si l'espèce bipède écoutait son cœur. J'ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d'abolition, et à leurs 150 ans, ils peuvent se foutre dans le fion. Zéni fiers, envolés tirailleurs, et en fin de guerre, pas su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs, et qui ont la peine pour les excréments, des travailleurs déracinés, les sans femmes et enfants, et ces traditions qu'ils sauvegardent. En y repensant, j'ai de la peine pour ces noirs teints blonds pour faire blanc. S'ils savaient que pour être libre, il fallait courir, sans se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir. Y'a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle, et pour que ça change, faudrait attendre que la banquise dégèle. Regarde l'Afrique et les Antilles, l'Inde et les autres îles. Regarde les traces de leurs plans qui traumatisent nos esprits, non pas à vie mais pour des générations. J'ai mon avis sur les suites des colonisations, critique sur la façon dont on oblige à penser. Mais qu'est-ce qu'on sait? J'ai pas eu le choix de vivre comme un Français. Un Français baba, une monnaie forte qu'on exporte en Outre-mer. Et dans les deux cas, c'est comme droguer nos terres. Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères. Et merde si aujourd'hui on en subit les séquelles. Mais qu'est-ce que quelques années environ 400? Et si la fin comme le début, ça finira dans un bain de sang? Et si la fin comme le début, ça finira dans un bain de sang? Parole de descendant, coupeur de câbles. Et si la fin comme le début, ça finira dans un bain de sang? Parole de descendant, coupeur de câbles. Et si la fin comme le début, ça finira dans un bain de sang? Parole de descendant, coupeur de câbles. Coupeur de câbles. Alors Barbet. Et en haut là-bas dans les bras d'or, on vous oublie pas. Ok, alors le morceau qui suit, pour le refrain, si possible, on voudra tout le monde les poings en l'air. Pour le refrain. C'est un hommage à cette main-d'œuvre déportée d'Afrique pour construire ce pays. Et cette main-d'œuvre qui se trouvait aussi être nos parents et qui ont traîné avec eux de très très très lourdes valises. Alors à la fin, le flic est pas là ce soir. Franchement, c'est pour lui. Écoute ça. Je suis allé faire parler le cul usé d'une valise sous un bras de couleur plate. Contrastant ses souvenirs, tapé d'un embarcadère ensoleillé au départ. Une arrivée sur un ponton terre et un visage hilar. Celui d'un contre-mer de l'empreinte en bois à la main. Frappant le flanc de ses valises, retenant la douleur. Ses visages s'engouffrant dans un train. Direction l'usine de camion pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse. Leurs appels stridents, leurs assassins, leurs espoirs, tels des moqueuses. Ces vestiges de périodes dures qu'elles gardent en elles, ces séquelles marquent son cuir et le morcelle. Terre d'une vieille remise, des gerbes surcrues, l'ont pas la frais de part en part. Une étiquette familière rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée dans plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rilzen qui pleure un fils parti gagner le droit d'être plus erré à famille. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs du continent tracé. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue. Avec toi, hein, c'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue. Depuis la sinistre cale d'un navire d'embarcation, quand même les rails cafards cohabitent en paix.